Alors j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 598 et nous sommes le 17 avril 2024. L'album de la semaine, c'est l'album blanc sorti en 1968 des Beatles, le White Album fameux, album qui à l'origine n'a pas de nom. C'est nous les fans qui avons décidé de l'appeler l'album blanc, pourquoi? Mais parce qu'après Sgt Pepper, l'album n'avait rien sur la pochette, juste en filigrane quelque chose comme ça, les Beatles, mais sinon rien du tout. Bref, on écoutera Back in the USSR, Dear Prudence, Happiness is a Warm Gun. Il y aura aussi il y en a un qui a sauté. je vais passer au suivant. Si. While My Guitar Gently Weeps, vous rendez compte, j'ai failli oublier celui-là. Il y aura Rocky Raccoon et on finira avec Mother Nature's Son. Pour le reste, il y aura aussi du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr, comme Ben on the Run pour McCartney, Hold On pour John Lennon. George Harrison chantera avec Dig Love et Ringo Starr, Bye Bye Blackbird. On se retrouve sur le site Facebook La Saga des Fab Four. Je vous dis à tout de suite sur RIG. Titre, ça va être en fait, on va 5 fois sur 6, on va faire la Escher démo, donc la version acoustique si on veut, et après la version finale. Voici tout d'abord Back in USSR, version Escher démo sur RIG. Bonne soirée à toutes et à tous. You don't know how lucky you are, boy. Back in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. I need to disconnect the phone. I'm back in the USSR. How lucky you are. Back in the U.S., back in the U.S., back in the U.S.S.R. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They'll leave the West behind. And my school girls make me sing and shout. That Georgia's always on my mind. Georgia's always on my mind.

On the Run ou le groupe en fuite. Eh ben, ça tombait bien parce que au moment de l'enregistrement de cet album-là, c'était pas prévu comme ça, hein. Deux des gars qui étaient avec Paul McCartney juste avant ont dit, oh non, on va aller enregistrer au Lagos. Moi, j'ai pas envie d'y aller. J'ai envie de retourner chez moi en Amérique, ceci, cela. Et ils ont largué Paul McCartney qui s'est dit, ah ben, c'est comme ça. Eh ben, je vais le faire à trois, ce disque-là. À trois, à savoir Denny Lane et Linda McCartney et Paul McCartney. Et résultat, un album qui est une masterpiece. Bravo Paul McCartney. En fait, Paul, on pourrait dire que c'est quand il est en difficulté, il sort le meilleur. Bravo Paul. Lui, c'est John. Il dit « Hold on » sur RIG. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. George Harrison dans ses œuvres en 1970 sur l'album All Things Must Pass. Et cette chanson-là, I Dig Love, je suis allé chercher dans la grande Bible George Harrison, I Me Mine, sorti en 1980. Il n'a rien écrit, juste une recopie des paroles, comme ça on sait de quoi on parle, mais aucun commentaire sur cette chanson-là. Donc, je peux pas en avoir plus pour vous, puisque je n'en sais rien. Voici Ringo Starr maintenant pour compléter le quatuor avec Bye Bye Blackbird, chanson de 1970 sur l'album Sentimental Journée. Paul McCartney la reprendra aussi, mais beaucoup plus tard. Pack up all my cares and woe, here I go, singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar is sweet, so is she. Bye, bye, blackbird. No one here can love and understand me. Look, stories they all hand me. Break my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Back up all my cares and woe. Here I go, singing low. Bye bye. Somebody waits for me, sugar is sweet, so is she. Bye, bye, bye, bye, blackbird. I said, no one here can love and understand me. Oh, wild heart love stories they all hand me. So make my bed and light the light, I'll arrive late tonight. Nous avons écouté depuis le début de l'émission Back in the USSR deux fois, la version Escher Demo et la version connue de l'album. Il y a eu Ben on the Run par Paul McCartney, il y a eu Lennon et Hold On, George Harrison, I Dig Love, et puis à l'instant Ringo Starr avec Blackbird. Alors c'est le moment de vous dire qu'il y a trois sites à consulter si vous voulez tout savoir sur les Beatles. Il y a le Maca Club, de façon à tout savoir sur Paul McCartney. Vous pouvez aussi consulter yellowsub.net pour tout savoir sur les Beatles et McCartney aussi, de toute façon, on en parle. Et puis il y a le site à Londres avec Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., faites un tour sur beatlesmagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde. C'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. course in Rishikesh in here wants to know that sooner or later she was to go completely berserk under the care of Maharishi Mahesh Yogi. All the people around were very worried about the girl because she was going insane. So we sang to her. Dear Prudence, version démo. Oh, la version finale n'est pas tellement différente, elle est juste mieux. Mieux quand même, oui, mieux. De la chanson Dear Prudence était Prudence Farrow, la sœur cadette de l'actrice américaine Mia Farrow, qui suivait le même enseignement que les Beatles en Inde, l'enseignement du Maharishi, etc., Yogi, je ne sais plus comment il s'appelle. La chanson était une supplique qui lui était adressée afin qu'elle sorte de ses trop longues périodes de méditation pour se détendre avec le reste du groupe. À la fin de la maquette, qu'on a écoutée tout à l'heure, de Dear Prudence, John continue de jouer de la guitare et dit « Personne ne devait se douter qu'un jour ou l'autre, elle se déchaînerait sous la supervision du Maharishi Mahesh Yogi. » Ah tiens, voilà son nom. Tous les gens présents s'inquiétaient pour elle parce qu'elle devenait folle. Alors nous avons chanté pour elle. Paul expliqua plus tard que Prudence était devenue un peu dingue et elle était restée enfermée 3 semaines dans sa chambre pour méditer et rencontrer Dieu plus vite que les autres. Eh oui, quelle perte de temps. Bon, bien que la chanson ait été écrite en Inde et que Prudence ait souvent entendu les Beatles, Mike Love et Donovan jouer là-bas, John ne lui joua jamais, dit Prudence. C'est George qui m'en a parlé, se souvient-elle, vers la fin, juste avant qu'il ne parte. Il m'a dit qu'ils avaient écrit une chanson sur moi, mais je ne l'ai entendue qu'à la sortie de l'album. J'en fus très flatté. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette chanson-là de l'album blanc des Beatles qu'on écoute ce soir dans l'émission numéro 598 de la saga des Fab Four avec l'album blanc en album de la semaine. Je vous propose une chanson très rare de John Lennon. La chanson prophétique peut-être, et bien dommage d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi. Il l'avait écrit « Life begins at 40 », donc « La vie démarre à 40 ans ». Eh ben oui, pas de bol, parce que lui, à 40 ans, ben, sa vie a été supprimée. Alors, vous entendez bien, boîte à rythme et tout ça, c'est donc une maquette. Don't you think? dreamers want. Everybody tag along. Cause I'm going down, back to the bits that I left uptown. I need a fix as I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Yoko. I'm going down, back to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. jumping the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. J'aime The Gun. C'est vrai que cette chanson Mother Superior part de Yoko Ono, mais soit John Lennon a préféré enlever le Yoko Ono, Yoko Oh Yes, ou un truc comme ça qu'on entend, soit peut-être Paul lui a dit arrête un peu tes bêtises, parce que la version finale c'est quand même bien mieux. She's not a girl who misses much. With the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnail boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. I'm going down, down to the bits that I left uptown. I need a fix, cause I'm going down. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Mother Superior jumped the gun. Côté désespéré et désespérant de John Lennon, puisque happiness is a warm gun, on pourrait le traduire par le bonheur c'est une arme encore chaude. Voilà, donc enfin je sais pas, peut-être qu'on peut le prendre bien, je ne sais pas. En tout cas, ce texte original assez simple et principalement obscène a été enrichi d'images inspirées par le hasard et le LSD, rien que ça. Et à un moment donné il dit when I feel my finger on your trigger, quand je sans mon doigt sur ta gâchette. Mais que voulait-il dire par là? Je me pose la question. Tiens, voilà un John Lennon que je ne passe jamais, mais récemment on m'a dit, si elle est bien, tu pourrais la passer. Voici John Sinclair sur RIG. 1972, sur le mauvais album Sometime in New York City. Et c'est sur RIG 90.7, la radio des Beatles. Step of breathing air, let him be, set him free. Let Je crois bien que ce qui m'agace dans cette chanson-là, c'est le gat. Et je ne sais pas si j'en manque pas un petit peu. C'est trop. J'en aurais mis la moitié moins, ça aurait été aussi bien. La chanson suivante aussi est un truc, est un truc rigolo. J'enlève le aussi. Je vous l'avais déjà raconté. C'était aux alentours de 92 ou 13, je ne sais plus exactement. J'étais dans une autre radio et on m'avait collé un réalisateur. Je n'avais le droit que de faire l'animateur. Alors que là, je suis derrière la console et à l'animation également. Et ce gars-là ne connaissait rien aux Beatles, rien. Et il écoutait même pas en pré-écoute un peu avant. Je lui ai collé ce morceau qui s'appelle « It's Johnny's Birthday ». Et si vous m'aviez vu éclater de rire, tenter de lui dire « C'est normal, tout va bien, on était dans les 33 tours ». Donc il scrutait le tourne-disque en se disant « Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi c'est comme ça ?» Parce que ça commence comme ça. Et c'est extrait du même album, George Harrison, à l'instant, avec It's Johnny's Birthday, et puis Apple Scruffs. Les Apple Scruffs, les pelures de pommes, étant pour George les filles qui attendaient devant les studios pour voir les quatre Beatles, pour se dire « Oh, je t'aime !» Et il les aimait bien, lui aussi, les pelures de pommes. Voilà. McCartney en 1982 par deux fois. Il y a eu le petit entre deux chansons Be What You See. D'ailleurs, il y a marqué Link, donc ça veut dire c'est un lien. Et Dress Me Up As A Rubber, donc sur l'album Tug of War en 1982. Nous abordons maintenant pour l'album de la semaine ma chanson préférée. Et vous le savez, toutes les versions de While My Guitar Gently Weeps sont absolument fabuleuses. Je vous propose la version Escher Demo, mais il y en a d'autres sur le White Album version 2018, là, quand il est ressorti. Il y a d'autres versions qui sont absolument divines. On ne peut pas toutes les écouter les unes à la suite des autres. Voici donc. While My Guitar Gently Weeps version Escher Demo, puis la version que vous connaissez et que vous savez que j'adore et que vous adorez aussi. Donc pour moi, ça va être je ne réponds à personne, je mets le son à fond et je profite. 1, 2, 3, 4. Mmh.

Eagles ont parlé de Hotel California. George Harrison, en 1976, sur l'album 33 and One Third, a parlé de Crackerbox Palace. Le rapport? Aucun. Sauf que j'aime les deux chansons. Voilà, c'était comme ça. Dans un peu plus de 40 minutes, on retrouvera Eric et sa fantastique émission de Johnny de A à Z. C'est un live, puisque nous sommes presque le premier mercredi du mois. Je me moque, mais il est adorable, Eric. Donc, ce sera dans un petit paquet de minutes. On a encore un petit peu de temps. Je vous propose en exclusivité pour RG 90.7, la radio des Beatles, un extrait de l'album à venir de Ringo Starr. L'album s'appelle Crooked Boy et le titre du morceau qu'il a déjà sorti pour vous, c'est February Sky et c'est superbe. Écoutez. 84 ans cette année and still rocking. Of devastation rumble through my REMs. It made its way into my veins. Hard to say what happens next. Gonna stand up. shadows bask in the sunrise, comforting all these strangers. Yeah, it's gonna be all right. Gonna stand up, rise above the rain, start a revolution in these arcades, find losing pieces. C'est plutôt très bien, vous êtes convaincus. Allez, un des derniers, un avant-dernier morceau de l'album de la semaine, l'album White Album. Voici Rocky Raccoon, la version démo. Rocky Raccoon était un western en musique composé par Paul alors qu'il se trouvait en Inde.

started dancing. I jumped off the table. I felt myself fainting. And as I was leaving, this is what they said. Sur l'album Ringo, la chanson Oh My My. On se dépêche parce que sinon on va être à la bourre, on serait presque capable de finir un poil après 22h. Voici Flying Out, la chanson qui avait été rejetée de l'album Somewhere in England par les dirigeants de la maison de disques parce qu'ils trouvaient que c'était pas assez bien. Et bah finalement, dans la ressortie de cet album-là, ça a été remis sur cet album Somewhere in England. Et c'est bien parce que c'est une belle chanson. C'est George Harrison, hein, au fait. Après, ce sera Only Love Remains sur RG. RG, c'est la radio des Beatles, le mercredi entre 20h et 22h. It is gone. something completely different. If you take your love away from me, I'm only gonna want it back. I'll probably pretend I didn't see, but knowing superbe chanson fait partie d'un album que certains ont classé de moyen de Paul McCartney, l'album Press to Play, avec l'extraordinaire However Absurd, qui ressemble un peu, enfin, qui est un peu organisé comme Hey Jude, mais attention, rien à voir avec Hey Jude, mais voilà. Il y a également la chanson Press, que j'adore, et puis cette chanson-là, Only Love Remains, qui est un classique Paul McCartney, dans un album soi-disant moyen. Bon... Allez, on se dépêche parce que bientôt ça va être Eric. Voici deux nouveaux extraits. Enfin non, si, trois extraits de l'album de la semaine, l'album blanc. Saucy Milk qui n'est jamais paru sur l'album blanc et qui est une chanson de George Harrison. Il y aura ensuite Mother Nature's Son, la version démo, parce que si la version suivante Child of Nature n'est pas paru non plus sur l'album blanc, c'est à cause de Mother Nature's Son. Vous allez comprendre, je vous explique ça après. Fais-le. Alors. One, two, three, four. If your life's not right, doesn't satisfy you, don't get the breaks like some of us do. Cette chanson exprès pour essayer d'en passer un maximum. Voici Mother Nature's Son, toujours en version Escher Demo. Cette chanson ressemblait trop à la chanson suivante, Child of Nature. On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. Just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. a décidé de laisser tomber celle-ci. Et John Lennon s'est souvenu qu'il avait composé ce titre-là. Il a gardé le même air, a changé complètement les paroles. Et c'est devenu, en 1971, Jealous Guy. Superbe chanson de John Lennon. Titre de la saga des Fab Four, I Keep Forgetting, juste avant de retrouver Eric et sa fantastique émission Johnny de A à Z. forget you don't love me no more. I keep forgetting you don't want me no more. I keep forgetting about those heartbreaking nights and those heartbreaking things that you said. D'arrêter parce que sinon je vais être en retard. Donc merci à tous et à toutes. Eric est impatient de vous retrouver pour le live du chaque mercredi, premier mercredi du mois, ou deuxième, ou ça dépend. Ça peut arriver troisième, oui, c'est ce qu'il vient de dire. Le quatrième, non, pas encore quand même. Mais bon, on sait jamais. Ou le mois d'après. Bon, bref, en tout cas, merci. Je le taquine, mais je l'adore, vous le savez. À très très bientôt. Bah, c'est tout. À très très bientôt. Et bonne écoute de ce fantastique programme qui s'appelle Johnny de A à Z sur RIG. À bientôt. Ciao. Yeah.